D'après le journal sud-coréen Le Travail et le Monde, les ouvriers qui s'occupent de la construction navale, comme l'industrie lourde de Hyundai et l'entreprise de construction navale et de transport de Daewoo, ont organisé le 2 décembre une conférence de presse devant le siège de l'Association nationale des économistes pour ainsi réclamer la dissolution du groupe des plutocrates qui prennent le parti de l'injustice et la corruption des autorités en leur offrant de l'argent.